On se rappellera de cette vieille charrue qui nous emmènera près d'un vieux copain, un clown flingue, tirant de la bonne humeur comme cow-boy indien. Du haut de leurs 5 ans, on se souviendra de la couleur des palmiers, de la chaleur de ses mères. Et oui, on s'y jettera, les bras ouverts, le cœur dans la main. Oui, donne-moi le tien, on s'offrira un joli rêve. On s'en rappellera. On s'en rappellera. On s'en rappellera. On s'éveillera dans notre maison, sans toit ni sans mur, mais c'est bien la nôtre. On se souviendra de l'odeur de ce pot à bois qui envahissait nos paniers et nos fringues. Ce chien à trois pattes, se prenant pour un kangourou, mais qui va et qui vient, entre le fauteuil et la gamelle, on s'en rappellera. Comme ce pot à bois, comme cow-boy indien, offrant un joli rêve dans notre petite maison, sans toit ni sans mur, dans les bras d'un clown sympa, qui nous emmènera près de nos vieux copains d'une vieille charrue. On s'en souviendra, on s'en souviendra, on s'en souviendra, on s'en souviendra. On s'en souviendra. On s'en souviendra. Ha ha ha!